pas des autres, ça qui te rive moi. Histoire d'Allah, c'est trop, moi couillonné comme moi. Prendre le moussage pour l'être ébreuil, tout en m'en pétien bé. Pendant qu'on la balette, juste en bande, la tique la pété. M'a rencontré Lucie un jour, la fête trop belle. Il était vraiment joli, nous danser et nous brer. M'a senti moins t'es fort, aïe, pas t'es périvé nous. M'a mené la pointe fort pour nous démélanger comme nous. Oh Lucie, oh Lucie, t'es con anti-pointe, piment dans la vie. De tes moments qu'on t'a là, pas qu'à n'y assez ici bas. De tes moments qu'on t'a là, tout le monde t'es pounillonne comme ça. Lucie, Lucie, les ouverts ou dis-moi, faut qu'on pâti. Échafaudage de gringolé, bombe sirop à crever. Toutes les restes dans la vie, moi, pas dit, fous moi. Ça ferait la vie qui est toujours bas, l'occasion espérée.